quel malheur. Le réveil m'a encore oublié. Un café, ce serait le pied. Mais trop tard pour espérer. Une bouffée, c'est parfait. Mais où est mon briquet? Et où est mon paquet? Je peux plus m'en passer. Mais je peux plus m'en passer. Mais je peux plus m'en passer!